Chapitre 10e, Ganesa. Le soleil resplendissait maintenant, nous séchant de ses rayons. Nous étions sauvés, et cette joie-là emportait toutes les souffrances que nous avions endurées. Le prince était descendu, debout devant moi, il me regardait avec reconnaissance. « Sans toi, me dit-il, alors qu'il est, ma tête roulerait dans le sang. Pendant notre fuite, notre salut dépendait des minutes qui s'écoulaient, et pour n'en pas distraire une seule, je ne t'ai remercié que dans mon cœur. Mais maintenant, solennellement, devant le soleil qui flamboie, je veux t'exprimer les sentiments que m'inspirent ton dévouement et ton héroïsme. Oh, Iravata, sans toi, saphir du ciel, dans ses voiles de deuil, pleurerait ma mort. Sans toi, je ne verrais pas l'enfant qui doit naître. Mon nom serait obscurci par ma fin honteuse. Mon royaume envahi et saccagé, tandis que moi, vivant, tout peut être réparé. Et c'est grâce à un être que les hommes croient inférieur à eux. Ah, la princesse de Siam a raison. C'est bien une âme royale et héroïque qui se cache sous ta rude enveloppe. » J'étais confus de tant d'éloges et je ne pouvais faire comprendre que si j'avais une âme, c'était tout simplement une bonne âme d'éléphant, toute pleine d'affection pour celui qui m'avait le premier traité en ami. Il me flattait doucement de la main, me regardait en souriant, d'un air attendri. Moi, par tous les moyens qui sont à notre portée, mouvement d'oreille, trépignement sur place, long reniflement, j'exprimais ma satisfaction. « Je te jure, dit encore le prince, que tu seras toujours traité comme mon égal et considéré comme mon meilleur ami. Mais éloignons-nous encore. Nos adversaires pourraient revenir en nombre maintenant que mon évasion doit être connue de tous. » Nous descendîmes une côte assez raide, parallèle à la cataracte. Alors ce fut une belle plaine fertile dans laquelle la rivière, apaisée, peu profonde, coulait sur un lit de cailloux et de rochers. Je pus la passer à gué, à peu de distance de la cascade qui s'éparpillait en neige et que le soleil emplissait d'étincelles et d'irisations. C'était donc là le saut que nous avions manqué de faire. Il y avait de quoi frémir à le regarder, malgré toute la beauté dont la nature le parait. Je cherchais des yeux le cavalier qui avait été broyé à cette place, mais il n'en restait plus trace. Quand nous fûmes de l'autre côté, dans une prairie, couverte d'herbes fraîches et touffues, mon maître m'ordonna de manger. « Voilà un bon repas pour toi, dit-il, dont il faut te hâter de profiter. Je regrette bien de ne pas pouvoir, comme toi, déjeuner de quelques touffes de verdure, car voilà longtemps que je n'ai rien pris. Comment aurais-je pu manger quand lui souffrait de la faim? Je continue d'avancer comme si je n'avais pas compris. « Je t'entends bien, Iravata, dit le prince. Tu veux te priver parce que je suis à jeun, mais il ne faut pas. Je sais quelles sont les exigences de ton vaste estomac. Celui de l'homme est plus patient. » J'ai été torturé surtout par la soif, d'ailleurs, et je bus tout mon soûl dans la rivière. « Mange. Que ton estomac soit vide, cela ne remplira pas le mien. » J'arrachais par-ci par-là quelques brassées d'herbe, mais sans consentir à m'arrêter. Je cherchais des yeux si je n'apercevais pas quelques groupes de maisons, un village. « Cela ne servira à rien, » dit Alemguir, qui me devina. « On m'a dépouillé de tout, on ne m'a pas laissé un diamant, pas une roupie, et je ne suis pas encore assez dompté par le malheur pour consentir à mendier. » Je n'ai réussi à sauver que mon sort royal. L'idée m'étant venue, au moment où l'on me fit prisonnier, de retirer de mon doigt la bague qui le supporte et de la mettre dans ma bouche. Je ne peux pas troquer ce cachet qui servira à me faire reconnaître contre de la nourriture. Il faut donc patienter jusqu'à ce que nous rencontrions des êtres capables de comprendre la puissance de ma bague et qui me fournissent les moyens de regagner mes états. Mon maître avait raison, il ne pouvait pas vendre sa bague. Je pressais le pas pour sortir de cette insupportable prairie qui semblait être sans fin. Mais j'avais beau avancer, les mêmes gazons frais et fleuris se déroulaient, avec de loin en loin quelques grands arbres, dont pas un ne portait de fruits, sans qu'aucun lieu habité n'apparût. Le prince avait cueilli plusieurs larges feuilles, dont il s'était couvert la tête pour s'abriter des rayons brûlants de midi. Il en avait posé aussi sur mon front, sachant combien la chaleur nous est pénible. Des cultures se montrèrent cependant, puis un bosquet de bambous géants, entre lesquels paraissait un édifice de pierre qui avait la forme d'une ruche. « C'est une chapelle, » dit Alemguir. « Ne manquons pas de rendre hommage au Dieu qu'elle abrite et que nous trouvons sur notre route avant toute autre rencontre. Notre prière faite, il sera bon de se reposer à l'ombre du bosquet. » Quelle surprise! Lorsque je fus devant l'ouverture de l'édicule sacré, le Dieu de pierre, qui apparaissait au fond sous un dais de velours, était un homme avec une tête d'éléphant. « Ganesa, le dieu de la sagesse !» s'écria le prince. « Le hasard seul ne m'a pas conduit là devant celui à qui, plutôt qu'à tous, je dois rendre des actions de grâce. » Il s'était agenouillé au pied de l'autel et à demi-voix priait. Pendant ce temps, ne pouvant pas entrer dans la chapelle étroite et peu profonde, j'examinais ce Dieu singulier qui, sur un corps d'homme, portait une tête pareille à la mienne et appuyait le bout de sa trompe sur sa main droite. Je voyais le dessus de l'autel que mon maître prosterné ne pouvait apercevoir. Des offrandes, toutes fraîches, étaient déposées là, dans des plats et dans des corbeilles. Oh joie ! Il y avait des gâteaux, du beurre liquéfié, des fruits variés, plus que la nourriture d'un homme pendant 3 jours. Ma trompe atteignait l'autel. Dès que le prince eut achevé sa prière, je posai successivement plats et corbeilles devant lui. « Les offrandes » s'écria-t-il. « Certes, je n'aurais pas osé les prendre, malgré mon extrême besoin, mais, offertes par toi, je ne peux pas les refuser. Il me semble que le Dieu lui-même me les donne. Et peut-être es-tu gagné ça ?» Je n'étais pas gagné ça, mais un éléphant très satisfait. Mon maître mangeait, et dans ce joli bois où nous étions, toutes sortes de racines et de plantes à mon goût allaient pouvoir me rassasier. Nous ferions une petite sieste pendant les heures chaudes, puis nous gagnerions un lieu habité, sans nul doute très proche, en jugé par ses offrandes toutes récentes et par les émanations que mon odorat très subtil percevait dans l'air. C'était délicieux après ce que nous avions enduré, et si Ganesa nous avait aidé vraiment à sortir de tous ces mauvais pas, comme le prince paraissait le croire, je me sentais tout disposé à le remercier très dévotement et même à le prier tous les jours, car s'il est possible qu'il y ait pour nous un dieu, Ganesa est bien certainement le dieu des éléphants. Chapitre 11e. On nous prend pour des voleurs. Nous étions à Bijapur depuis plusieurs mois, le prince Alemguir et moi, et beaucoup d'aventures nous étaient arrivées dans cette ville, la première rencontrée sur notre route à peu de distance de la chapelle de Ganesa. Les maîtres actuels de l'Hindoustan, les Anglais, étaient en nombre à Bijapur, où un gouverneur résidait. Nous étions donc là hors des atteintes du Maharaja de Mysore, lui-même soumis aux conquérants anglais, et ne régnant qu'en leur payant un tribut. Mais d'autres dangers nous menaçaient. Mon maître, tout d'abord, fut pris pour un voleur. En le voyant presque nu, hâve, dépouillé de tout, les chevilles et les poignets gardant la meurtrissure de chêne, on ne crut rien de ce qu'il affirmait. On le soupçonnait de s'être échappé d'une prison, et ce qu'on l'accusait d'avoir volé, c'était moi-même. Alors on voulut me confisquer, me séparer de lui. Mais quand on essaya de mettre la main sur moi, le cri de colère que je poussais fit fuir les agents de police et les badauds amassés comme une volée de moineaux. Les constables revinrent les premiers. Ils convinrent qu'il était possible que l'inconnu fût bien le propriétaire de l'éléphant, mais qu'il fallait venir s'expliquer devant le commissaire qui jugerait. Je couchais mon maître sur mes défenses comme j'avais fait déjà une fois pour le préserver des balles, et le portant ainsi au grand ébahissement de la foule, je suivis les agents. Le commissaire, malgré l'évidence, nous fit subir plusieurs épreuves pour s'assurer que le fugitif était bien mon possesseur, mais il conclut que cela ne l'empêchait pas d'être un personnage dangereux, un espion, un émissaire secret de quelque traître, et qu'il fallait le garder en prison. Alemguir ne cessait pas de demander à être conduit devant le gouverneur de Bijapur avec lequel il s'expliquerait. Mais le gouverneur était à la chasse et les jours passaient sans amener son retour. Le prince eut subi tous ses ennuis avec patience, si l'idée que Saphir du ciel, ignorant tout de lui, devait mourir d'inquiétude, n'eût torturé son cœur. La retraite de l'armée avait dû lui apprendre la défaite et la captivité de son époux, mais depuis elle ne savait plus rien, elle pouvait le croire mort, ne pas vouloir lui survivre. Il revint enfin, ce gouverneur, et tout de suite le prince comprit qu'il s'entendrait avec lui. Sir Percy Murray était un homme maigre et long, à barbe blanche, avec des yeux bleus, gais et vifs, des manières affables et un air de bonté et de franchise. Après qu'Alemguir lui dit qu'il était, lui montrer son sceau royal et compter ses revers et ses aventures, le gouverneur exprima tous ses regrets des ennuis que ses subalternes, par excès de zèle, lui avaient causés en son absence, et il invita le prince à venir habiter chez lui, à Jasmine Cottage, aux environs de la ville. Mon maître le suppliait de lui fournir les moyens de retourner à Golconde, où son absence pouvait causer de grands malheurs. Mais Sir Percy Murray, malgré toute sa courtoisie, ne pouvait, à ce qu'il affirmait, laisser un inconnu s'éloigner sans être assuré de son identité. Il serait blâmé en haut lieu et risquerait d'être destitué, disait-il. Mais il pria le prince d'écrire à sa femme et de lui dire d'envoyer à Bijapur plusieurs notables personnages de Golconde, et un témoin anglais, si cela était possible, pour venir reconnaître le prince, et qu'aussitôt la preuve faite qu'il était bien celui qu'il disait être, on lui rendrait la liberté. Pendant le voyage des envoyés, le gouverneur de Bijapur fit tous ses efforts pour rendre au prince la vie agréable. Son hospitalité était des plus cordiales, sa nombreuse famille pleine de gaieté et d'entrain. On donna des fêtes champêtres, des soirées, des bals, et mon maître fut, sinon distrait, du moins très intéressé par les mœurs nouvelles pour lui de la société anglaise. Enfin, les messagers revinrent avec une lettre de Saphir du Ciel et accompagnés de l'oncle du prince et de plusieurs amis qui pleurèrent de joie en revoyant mon maître sur lequel ils avaient pleuré de chagrin. Alemguir, me traitant toujours en ami, vint me lire la lettre de la princesse et m'annoncer que nous partions le lendemain. « S'il était possible de te faire voyager en chemin de fer, ajouta-t-il, nous arriverions le soir même, mais cela serait difficile et te déplairait peut-être. Pourvu que ce ne fût pas sur mer, j'étais disposé à voyager de n'importe quelle façon. Je fis comprendre à mon maître que j'irais volontiers en chemin de fer, et cela fut décidé. On m'installa dans un grand wagon découvert que l'on abrita sous une tente et que l'on tapissa d'une épaisse litière. Puis, à l'aide d'un plancher en pente douce, on m'y fit monter. Il paraît que l'on n'avait jamais vu un éléphant prendre le chemin de fer, car il y eut beaucoup de badauds sur le quai de la gare, venus pour assister à mon embarquement. Le prince me recommanda de me coucher, afin d'être moins secoué, et après avoir fait ses adieux au gouverneur, qu'il avait accompagné avec plusieurs officiers anglais, il monta dans son compartiment et l'on ferma les portières. Des coups de sifflet vibrèrent et le train se mit en marche. N'ayant pas l'habitude d'aller en voiture, le mouvement me causa un peu de vertige, mais cela n'était rien à côté des abominables souvenirs de la traversée de Siam à Ceylan, et l'idée d'arriver avant la nuit me remplissait de joie. Aussi je pris mon mal en patience, quand, augmentant de vitesse, le train nous emporta à toute vapeur vers Golconde. Chapitre 12e. Parvati. Pendant notre absence, une petite princesse était née au palais de Golconde. Alemguir, tout joyeux, vint me la montrer dans les dentelles de ses langes. Qu'elle était mignonne, jolie, fragile et toute pareille à une fleur. Sa petite main secouait un hochet d'or et elle avait autour du cou un rang de grosses perles qui semblaient des gouttes de l'effigie. On l'avait appelée Parvati, le nom d'une déesse. Comme j'étais ému en la regardant, comme mon cœur battait, mais je ne savais exprimer ce que j'éprouvais qu'en me balançant gauchement d'un pied sur l'autre. Saphir du Ciel avait failli mourir, aussi lui avait-on caché les revers de l'armée et la captivité du prince. Elle avait appris en même temps les dangers courus et la délivrance. L'espoir de revoir bientôt son époux avait hâté sa guérison. Dès qu'elle sut la part que j'avais prise à l'évasion, elle vint solennellement me remercier. À ma grande confusion, elle s'agenouilla devant moi, me rendit hommage, comme on faisait à Siam. Puis elle déclara que, puisque mon pauvre Maout était mort à la bataille, je n'aurais plus que des serviteurs, m'étant montré d'intelligence trop supérieure pour avoir besoin d'être dirigé, et qu'elle entendait que je fusse laissé absolument libre dans le parc, les domaines, et même dans la ville et la campagne, s'il me plaisait d'aller me promener seul. Alors commença pour moi une vie charmante. Il me sembla qu'on m'avait élevé à la dignité d'être humain, et le sentiment de responsabilité que ce nouvel état m'inspira fit que je m'appliquais à ne jamais causer de désordre et à rester digne de la confiance que l'on me témoignait. Mais quel plaisir j'avais à gagner la campagne, puis la forêt, à courir librement sous les frondaisons, en écrasant les broussailles, en arrachant de jeunes arbres comme autrefois, sans contraindre mes mouvements, ainsi que je devais le faire dans un milieu qui le plus souvent n'était pas à ma taille. J'usais là un peu de ma force perdue, et cela m'apaisait et me délassait de la façon la plus agréable. Mais, après quelques heures, je sentais combien la solitude d'autrefois me serait impossible à supporter, comme j'étais supérieur à moi-même et loin de la vie sauvage. Une inquiétude me prenait de mes maîtres, de mes amis plutôt, une peur d'être perdu, abandonné, de ne plus retrouver la route. Je me hâtais alors vers la ville, calmé dès que j'apercevais les murs de Golconde, ses dômes couleur de neige, ses fins minarets dépassant les bouquets de palmiers. Une fois les murs franchis, je flânais dans les rues, traversant les bazars où je savais que chacun s'empressait de m'offrir quelques friandises. Puis je rentrai au palais, et mon premier soin était de chercher la petite Parvati. Je la trouvai au milieu de mes nourrices et de ses servantes, dans les bosquets de jasmin et de roses. Alors je la contemplai de loin avec une admiration et un bonheur extraordinaire. Je la vis ainsi lentement s'épanouir de jour en jour et de mois en mois. Bientôt, elle se roula sur la mousse fleurie, marcha comme un jeune animal, puis se mit debout, essaya ses premiers pas entre des bras tendus.